baie à force de faire des L. Et je vais bien finir par la baiser à force qu'elle me DM. Rola au babou, envoie le pack gros direct ça DL. J'ai le smile et je sais même pas comment. Tous les jours chez ta annonce des appels. Y'a pas d'honnêt sans bise. Y'a pas de beau d'ab sans bise. De là je vois ça empire. Sur le balcon j'ai pas l'aide l'empire. Fallait pas nous sortir du mood piece. C'est des bandes stars comme j'ai une vendu. Moi je dirais tout le temps à la Karim B. Je suis avec une pétasse star et BN Vélo. J'ai tout entendu c'est mieux je te passe la pomade. Ouais le carité. Et soit ceux qui décèlent le bon du mauvais grâce à tes sanguins. Et soit tous ces rappeurs qui vont venir à Lyon juste pour perdre leurs gains. Hey. Et soit ceux qui décèlent le bon du mauvais grâce à tes sanguins. Et soit tous ces rappeurs qui vont venir à Lyon juste pour perdre leurs gains. Je n'ai rien de prévu dans mon calepin. Si ce n'est faire beaucoup de talbans. Je n'ai rien de prévu dans mon calepin. Si ce n'est faire beaucoup de talbans. J'ai rien de prévu dans mon calepin. Si ce n'est faire beaucoup d'albums. Faire des clins d'œil et des petits tapins. Et mettre une marque sous le sapin. Falla voir quand tu snitch pour autant mettre devant les gens. Falla voir quand t'as pas compris qu'elle est pas leur avant l'argent. Mais que si tu payes or, c'est un manque de respect. Le vice c'est la ruse, moi j'en connais tous les aspects. J'suis né là où pour être quelqu'un, faut être différent. Là où on fait des passes ordonnantes pour le fond, le vénère quand est dans la rue. J'marche le beat, oh j'suis fier de toute ma vie. Les sacrifices d'hier pour les plaisirs à venir. Oui c'est sans grossement, moi surtout quand y'a pas les lames. Dans mon lobby, pas de balle qui t'en surdit, y'a qu'à l'élan. Tu nous aimes pas, pas là j'en ai rien à faire là. Un concert qui panique ta mère, on va t'enculer Bella. Je n'ai rien de prévu dans mon calepin, si ce n'est faire beaucoup de talbans. Je n'ai rien de prévu dans mon calepin, si ce n'est faire beaucoup de talbans. Je n'ai rien de prévu dans mon calepin, si ce n'est faire beaucoup de talbans. Faire des clins d'œil et des petits tapins. Et mettre une marque sous le sapin. Maintenant je fais ma hola, je suis pas très loin, je suis à vélo. Petit frère, fais pas le bélo. Et cette putain dans le délo. Opportuniste comme Philippot. Ils s'énervent, deviennent rouge copo. Ils sont noirs comme Monsieur Popo. Ils ont pas revu la compo. Tu pars, je te soulève en terre. Man, tu regardes pas trop l'heure. Et ta copine je l'ai tuée. Je range pas mon épée dans le fourreau. Attaque inutile comme Waro. J'enlève sa chemise à carreaux. Et des falas sur le carreau. On pète le Nikazi KO. Hey, ça tourne pour Nikazi KO. Comme des rockstars. Rasta rockstars. On se la pète, on fume nos bêtes. Lions ont l'épée d'Amoclès. Comme des rockstars. Sly comme rockstars. Je n'ai rien de prévu dans mon calepin. Si ce n'est faire beaucoup de talent.